Sama. Il est temps de se réveiller, frère. Tout le monde est dénudé, allô. Je sais pas où je suis. Je suis comme un cache à l'eau perdue dans la zone. Cache au nez. Cache au nez. Pitons, tu pipons, tu pipons, tu pipons. Il est temps de se réveiller, frère. Tout le monde est dénudé, allô. Je sais pas où je suis. Schau mal.